si tu veux, pour faire des quatre vents. Voir si les amoureux y viennent autant qu'avant. Sous le soleil d'un mois d'août, je t'avais pris la main pour prendre une autre route, comme on choisit son destin. Je rejouerai si tu veux cette terre que t'aimais tant. Les accords un peu trop vieux d'une valse à trois temps. Dans ton chandail bleu et blanc, toi tu fermais les yeux, je chantais en regardant le vent dans tes cheveux. Comme c'est bien loin tout ça, on croirait presque c'est pas nous parfois. Mais la vie continue à couler sous les ponts que le temps attendu. La vie est un jeu. On lance l'idée, on défie le hasard, tout seul ou à deux. Toujours à tout partager, à nous dire des je t'aime.